Chanson du Petit Bouchon de Rachel de Caro. Texte atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan pour audiocité.net. Chanson du Petit Bouchon. Un petit poisson, un petit bouchon, s'aimait d'amour tendre, mais comment se défendre du croc de l'hameçon ? Ainsi se désespérait le petit poisson, tout en tournant en rond autour du petit bouchon. Ah, qu'il était séduisant, ce petit bouchon ! Svelte, coloré et brillant, léger et flottant sur l'eau, bercé au gré du vent. Hélas, il était prisonnier d'un fil de pêche qui lui plombait la vie et l'empêchait de voguer selon ses envies. Qu'il était beau, ce petit poisson, fin comme une aiguille d'argent, vif et agile comme une anguille, aux yeux noirs comme les beaux ténébreux. Hélas, il n'avait qu'une seule chose en mémoire, le petit bouchon. Le petit poisson venait souvent gober des moucherons à la surface de l'eau, et il en profitait pour échanger des clins d'œil amoureux avec le petit bouchon. Le petit bouchon s'inclinait vers lui et lui souriait avec éclat. « Prends garde de ne pas manger le verre, là en dessous, » lui recommandait-il. « Viens plutôt écrire des ronds sur l'eau avec ta nageoire dorsale. » Le petit poisson aurait bien voulu pouvoir briser, ronger, user le fil de pêche, mais il n'en avait pas la force. Il s'en désolait et répétait son refrain comme une prière. « Un petit poisson, un petit bouchon, s'aimait d'amour tendre, mais comment se défendre du croc de l'hameçon ?» Soudain, un gros vorace vint, bousculant tout sur son passage à grands coups de queue. Il ne fit qu'une bouchée de l'asticot qui achevait de gigoter, crucifié sur l'hameçon. Avide, il avala aussi le crochet qui alla se planter dans sa glotte, faisant plonger le petit bouchon et alertant le pêcheur sur la berge. La canne tenta de relever la ligne. Le combat fut rude, mais bref. Le glouton parvint à s'enfuir avec son butin. Et le fil cassé libéra le petit bouchon qui fut emporté par le courant. Cela fit l'affaire du petit poisson, qui se jeta bravement à la poursuite du petit bouchon, parvint à le rejoindre et à l'entraîner dans un trou d'eau tranquille, dans les sables de la rivière, loin des appétits dangereux. Tous deux purent enfin savourer leur amour et chanter en chœur. Un petit poisson, un petit bouchon, qui s'aimait d'amour tendre, allait pour toujours s'entendre et s'aimer à l'unisson. Avec un clin d'œil à la chanson de Juliette Gréco, Un petit poisson, un petit oiseau. Illustration musicale Sur le bord de l'eau de Pascal Krieg, édité par musique-cc, tout droit réservé. Texte de Rachel de Caro sous licence BY-NC-ND.